Bienvenue dans Exo 7, après la pause de la semaine dernière, c'était un best-of, et puis là, donc voilà qu'on se retrouve tous, Thomas est dans la place, Thomas bonsoir tout le monde. Mika est là, tonton Mikaka, hein, puisque oui. Depuis cette semaine ouais. Il est tonton, voilà ouais. C'est quand même assez et magnifique. Tonton gâteux même. Ah oui, on ne peut pas faire plus gâteux, c'est magnifique, c'est très touchant, et donc voilà, l'équipe est réunie. Plus de gros mots à l'antenne, c'est fini. C'est terminé tout ça. L'équipe est réunie au grand complet pour un nouvel épisode d'Exo 7, qui donc sera ce soir consacré aux personnages mystérieux. Hein, et Dieu sait si l'histoire est peuplée de personnages mystérieux. Et donc ce soir, on va démarrer avec Edgar Cayce. Alors Thomas, est-ce que ça te dit quelque chose, Edgar Cayce? Du tout. Alors là, non. Peut-être que l'histoire, oui, mais de nom comme ça. Non. Alors c'est une figure de l'étrange, c'est un personnage américain. Donc ce soir, on va d'abord parler d'Edgar Cayce qui est américain. Ensuite, on parlera d'un personnage allemand et d'un personnage russe. Alors on démarre donc par les States, oui. Un petit tour du monde, quoi. Il est américain, est-ce qu'il y a un rapport avec la Cayce de l'entretemps? Non, mais bon, non, ça aurait pu dommage. Il arrête les gros mots, mais pas les blagues. Voilà, pas les non, blagues, ça, non. Non, il faudra au moins deux neveux pour arrêter les blagues, là. Faut pas trop pousser. Et dépêchez-vous d'en faire un nouveau alors. Alors donc, Edgar Cayce est un personnage marquant de l'histoire de l'étrange en Amérique, puisque donc c'était un médium et un prophète, et il est né donc en 1877 dans une ferme à Hopkinsville dans le Kentucky. Donc c'était une ferme de bons gros paysans. Edgar Cayce n'avait pas beaucoup d'éducation, et à l'âge de 9 ans, il n'arrivait pas par exemple à épeler le mot cabine. Alors que je veux dire facile. Alors du coup, K-A-B-I-N-E. Du coup, son père, hein, qui s'énervait un petit peu un soir en essayant de lui faire épeler cabine, lui a mis une tarte. En même temps, c'est un américain, donc pourquoi épeler cabine? Mais c'était cabine, hein, C-A-B-I-N, voilà, comme Cabin Fever, cabine. Le film d'horreur. Et donc, son papa, qui était un petit peu nerveux, lui met un taquet et Edgar tombe par normal, terre. Et comment on écrit taquet, Edgar? Et alors qu'il était par terre, Edgar dit, hein, il a dit par la suite qu'il avait clairement entendu une voix qui lui disait « Si tu dors un petit peu, nous pourrons t'aider ». Alors qu'est-ce qu'il a fait Edgar? Il a mis son livre de grammaire sous son oreiller hein, quand il est allé dormir. Et quand il s'est réveillé, eh bien il se trouve qu'il connaissait quasiment toutes les leçons du livre et qu'il pouvait les répéter chacune mot pour mot. Alors donc évidemment c'était un don formidable et ce don est resté tout au long de la vie de Edgar. Ah mais il a appris qu'un livre le pauvre. Alors il avait juste c'était le Becherel, c'est ballot mais il avait juste à dormir la tête sur un livre et quand il se réveillait donc il en connaissait le contenu. Voilà quel était le don d'Edgar Cayce. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, heureusement, puisque à l'âge de 16 ans, Edgar a été blessé, donc il a pris un coup sur la tête alors qu'il jouait au baseball. Aïe. Et quand il est retourné à la maison, donc il était un peu étourdi, et il a dit à sa mère de lui appliquer un cataplasme sur sa blessure. Et le lendemain matin, donc, Edgar ne se rappelait plus du tout qu'il avait dit ça à sa mère parce qu'il était un peu dans les vapes, mais il se trouve que la blessure, donc, avait totalement disparu, il s'était estompé, et donc, il était guéri, voilà. Et en 1900, Cayce, donc, travaillait dans une compagnie d'assurance, et un jour, il a chopé une laryngite. Oh. Et il n'arrivait plus à travailler donc, puisque donc il n'avait plus de voix, et les docteurs lui disaient qu'il ne retrouverait jamais complètement sa voix. Du coup, il s'endormit sur le Vidal. Alors, non, voilà ce qui s'est passé. Donc, il était un peu désespéré, donc il est allé voir un hypnotiseur, et dans une sorte de transe, donc, Edgar s'est mis à décrire les mots qui étaient les siens, et là, il a dicté à l'hypnotiseur le traitement qu'il fallait lui appliquer à lui-même. Donc dans une sorte de transe, son inconscient finalement a dicté quel était le traitement qu'il fallait lui appliquer. Et donc quand il s'est réveillé, ça a duré une vingtaine de minutes, et quand il s'est réveillé, donc la voix d'Edgar a été rétablie, puisque donc le guérisseur lui a appliqué le traitement qu'Edgar lui avait prescrit. Ça serait limite comme si son inconscient était dissocié de son conscient et, voilà. Et qu'il avait un inconscient. Tout se passait comme si à l'intérieur d'Edgar Cayce, il y avait une science, un savoir qui lui qui était échappait influent, quand il en fait. Était, voilà. Il avait une sorte, voilà, de science médicale, mais seulement à l'état inconscient. Il fallait qu'il rentre dans une sorte de transe pour diagnostiquer des maladies. Alors, le truc, c'est qu'il faisait jamais payer, ses consultations, et surtout, il prétendait pas guérir, puisque évidemment, ce don, a commencé à s'ébruiter un petit peu. Il a vite acquis une réputation de guérisseur. Et donc, il expliquait bien aux gens que lui, il était pas là pour guérir, il savait pas guérir. Simplement, il pouvait, dans un état de transe, proposait des traitements, mais il se faisait jamais payer pour ça. Et d'ailleurs, il avait un peu du mal à joindre les deux bouts, puisque évidemment, il était très sollicité par les gens qui voulaient connaître ses diagnostics. Et donc, un jour, par exemple, il y a quelqu'un qui a voulu le piéger, un docteur qui a voulu le piéger. Par exemple. Et qui donc avait diagnostiqué sur lui-même une appendicite. Voilà. Ah, appendicite. Il se dit, je vais voir Edgar Cayce, hein, et je vais lui demander de me diagnostiquer mon mal dans son état de transe, on verra s'il va trouver le bon truc. Donc il va voir Cayce. Il procède à cet état d'auto-hypnose, et là il commence à décrire un autre mal et il lui dit oui, vous avez un problème de vertèbre, il faudra faire ça, voilà. Alors là, évidemment, le docteur en question se marre et se dit j'ai enfin pu le piéger, mais il va voir un ostéopathe comme Cayce donc lui avait conseillé de faire. Quand même. Et là, en fait, il s'est avéré que c'était le diagnostic de Cayce qui était le bon. Hein. Il n'y avait pas d'appendicite, mais donc une douleur à l'endroit donc où se trouve l'appendice. Et donc le docteur était bien pris à son propre piège sur ce coup. Alors ça finit pas comme ça, puisque donc en plus de ces centaines et centaines de diagnostics comme ça dans ces états de transe, parce qu'il expliquait aussi qu'il voyait le corps des patients et comme une sorte de réseau de d'organes et de tissus. Oh. Et il sentait dans sa transe, il sentait l'endroit qui était souffrant. Et donc là, ensuite, il avait plus qu'à donner son diagnostic et ses conseils de traitement, en sachant que quand il était éveillé, il avait absolument il avait une espèce de scanner scanner intégré. Si on veut, voilà. Et donc, il faut savoir que quand il était éveillé, bien sûr, il avait aucune sorte de science médicale quelle qu'elle soit, puisque donc voilà, il venait d'un milieu modeste paysan, donc il connaissait pas tous ces trucs-là. Et ça s'est pas arrêté là, puisque ensuite, il a commencé à avoir des prophéties, et là il a commencé à se faire connaître sous le nom du prophète endormi. Alors c'était pas lui, hein, c'était vraiment pas lui qui essayait donc de cultiver ce personnage là, c'était les gens qui lui faisaient cette réputation. Et donc là il a commencé à voir des choses. Alors il aurait par exemple prophétisé la première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale. En parlant de la seconde guerre mondiale, il disait que ça serait une guerre d'océan, de mer et de baie. Il a aussi prophétisé des tremblements de terre entre 1958 et 1998. Donc c'est vrai que bon, là c'était un petit peu large. Il disait que la Californie serait engloutie et qu'une En quelle année? Alors pour la Californie dans cette marge là, ah oui, donc hein, il s'est un peu raté, mais ouais. Vous allez voir après, parce que évidemment vous l'avez bien senti jusqu'à présent, j'étais totalement dedans, hein, premier degré, puis ensuite viendra la critique du personnage. Donc il avait aussi prédit un changement de pôle assez catastrophique en 1998, donc ce n'est pas arrivé. On n'est pas au courant. Mon voisin, il s'appelait Paul, et il a été changé par un autre Paul. En fait, un autre voisin à la place. Putain, il avait prédit. C'était en 98, ça? 98, ouais, exactement. C'était radical, un radical changement de pôle. Ouais. Eh bien alors voilà, l'histoire continue. Et en 1944, donc Cayce, il était surchargé de demandes, hein, puisque donc c'était devenu une vraie célébrité, des centaines de diagnostics à son actif. Et donc là, il commençait à être un petit peu fatigué. Et le dernier jour de l'année 1945, Cayce prédit lui-même dans une ultime transe qu'il mourra le 5 janvier, qu'il sera enterré le 5 janvier exactement. Et effectivement, 3 jours après, il meurt et il est enterré le 5 janvier. Donc, il a même prédit sa propre mort. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, donc, il y a une association qui s'est fondée autour des travaux d'Edgar Cayce, et il y a plus de 14 000 lectures, puisque il disait qu'il lisait littéralement le corps des patients. 14 000 lectures qui sont stockées et répertoriées en fonction des mots. Hein. C'était souvent des petits trucs bénins. Et si quelqu'un venait se plaindre, je sais pas, des hémorroïdes, hein, voilà, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Donc Cayce faisait une lecture. Là, il faut faire ça, mettre tel cataplasme. Et donc des gens encore aujourd'hui viennent auprès de cette association pour consulter des lectures de Cayce, et donc il y aurait pas mal de guérisons soi-disant, et parfois même des guérisons que la médecine traditionnelle n'aurait pas pu apporter. Alors quelle est la faille? Moi je sais pourquoi tu danses quand les autres parlent. Dis-moi. Mais parce que le premier truc qui te vient à l'esprit, c'est les hémorroïdes. Voilà, c'est peut-être aussi pour ça. Et alors donc moi, à mon avis, ce qu'il faut savoir donc, c'est qu'évidemment parmi les nombreuses lectures de Cayce, il n'y a pas eu que des résultats justes. Et c'est la même chose pour ses prédictions. Donc, Il faut savoir aussi qu'il prédisait souvent les... Il ne prédisait pas souvent, excusez-moi. Il prescrivait souvent les mêmes choses, donc des massages, de la relaxation, des tonifiants, de la diète, des cataplasmes. Et donc voilà, maintenant, avec un petit peu de recul, on s'aperçoit qu'il a aussi commis pas mal d'erreurs, et puis parfois il se trompait, donc. Et même s'il y a eu des résultats troublants parfois, quand on sait qu'il y a eu des centaines et des milliers de personnes qui sont venues me consulter, on peut comprendre que parfois il y a eu des coïncidences très étonnantes, hein, qu'il ait réussi à mettre le doigt sur un diagnostic qu'un médecin n'aurait pas pu voir. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est que dans la plupart des cas, c'était des maladies bénignes, hein, ou des petits troubles pas très graves. Donc quand Case prescrivait ses cataplasmes et ses tisanes et son repos, ça marchait dans la majeure partie des cas. Oui, mais, parce qu'il y a l'effet placebo qui est quand même assez, voire même très efficace. D'une part, il y a l'effet placebo qui fonctionnait parce qu'il avait une réputation de guérisseur, de mage, de voyant, donc ça marchait très très bien. Mais en plus de ça, quand il prescrivait des trucs comme des cataplasmes ou des tisanes, ça pouvait aussi avoir un effet direct sur la maladie des patients qui venaient le voir, puisque bon, c'était jamais des trucs très très graves. Mais donc dans le tas, il a aussi commis des erreurs, hein. Il y a des gens qui n'ont pas guéri. Et puis quand on s'attaque au sujet des prophéties, alors là c'est carrément énorme, il s'est planté dans la grande largeur. Et il a notamment parlé de l'Atlantide, parce que donc lors d'une de ses prophéties en transe, il avait expliqué que l'Atlantide émergerait au cours du XXe siècle, que l'Atlantide émergerait, reviendrait à la surface dans les années 60. Je l'ai raté. Et voilà, on l'a pas vu venir, hein. Et donc c'est la Corse. Je rappelle qu'il est mort en 45, donc. Il devait être sur la Lune. Et donc, il est donc mort en 45, et il avait donc prophétisé que l'Atlantide reviendrait, se ressurgirait. Et encore une fois, tout ça ne se passait que quand il était dans cet état de transe hypnotique, et il a jamais rien prophétisé dans son état normal, voilà. Et donc je rappelle encore une fois qu'il ne faisait pas payer. Donc c'est vrai qu'on peut pas vraiment crier à l'arnaque ou au charlatan, puisque ce mec était plus... Oui, mais charlatanisme, c'est quoi? Est-ce que c'est, il a pas fait ce charlatanisme, non pas dans un but de pécunier, mais dans un but de célébrité aussi? Moi, je pense que le charlatan, c'est celui qui abuse de la crédulité des autres pour lui soutirer de l'argent. Là, en l'occurrence, il a jamais pris de l'argent à qui que ce soit, et est-ce c'était qu'un charlatan, presque à son insu. C'est pas quelqu'un qui abuse de la confiance des gens, peu importe dans quel but. Laissez-moi être dans le débat. Je sais pas, parce que en fait, il a jamais fait de mal vraiment. Oui, parce que les gens qui venaient le voir. Sûr, mais peut-être qu'il y croyait sincèrement à ce pouvoir. Et puis surtout, ça se passait à son insu, puisque c'était son inconscient qui réagissait. Et donc voilà, il était pas vraiment responsable. Il m'avait l'air assez schizophrène quand même. Enfin, il m'avait l'air assez schizophrène. C'est possible aussi. En tout cas, voilà, c'est devenu un mythe, hein, de l'histoire du paranormal en Amérique. Et donc il y a cette association qui marche toujours, comme je vous le disais, avec ses 14 000 lectures qui sont conservé dans une bibliothèque et que des gens viennent encore consulter. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que le côté bouquin, là, enfin, son côté science infuse entre guillemets des bouquins, c'est quand même assez surprenant. Donc à la base, il voilà. Devait quand même avoir un talent, voilà, pour apprendre par cœur. Ce qu'il y a, c'est qu'il y avait quelque chose. Voilà, il y avait un don particulier chez ce mec-là. Maintenant, bon, de là à dire que c'était un guérisseur et un prophète accompli, donc là, il y a quand même un grand pas que nous ne franchirons pas. Mais il y avait quelque chose d'assez étrange qui fait qu'encore aujourd'hui, il y a un mythe autour de ce Edgar Cayce. Et il a prédit sa mort. Quand même. Il avait quand même prédit le jour de son enterrement, quelques jours avant de mourir. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'éléments troublants dans l'histoire de cet homme-là. Et donc voilà, si vous voulez connaître plus d'informations sur Edgar Cayce et cette association qui existe toujours, eh bien écoutez, vous allez sur internet, ça s'écrit C-A-Y-C-E, Edgar Cayce, et vous verrez que le personnage est encore très vivant dans l'esprit de beaucoup de personnes, même s'il est mort en 1945. Voilà. On va marquer une première pause après ce premier portrait. Le morceau, c'est Princeton Review et le groupe, c'est Team Sleep. Elle se sait. Le bizarre, l'inclassable, le décalé, surage. Toujours dans Exocet, si vous nous rejoignez à l'instant, ce soir on parle de personnages mystérieux de l'histoire. Donc le premier c'était Edgar Cayce, qui oui. Était donc un médium prophète, donc il y a encore aujourd'hui un mythe dans l'histoire de l'étrange en Amérique. Mais oui, mais faites péter les popcorn, hein, c'est un peu le concept aussi. On essaie d'installer une ambiance de suspense comme ça, et donc ça colle tout à fait. Donc oui, Edgar Cayce, donc médium prophète du 19e siècle, qui reste encore une légende en Amérique. Et donc à présent, on va parler d'un personnage qui lui s'est illustré en Allemagne et qui reste encore aujourd'hui une des énigmes les plus énigmatiques. Oui, hein, on peut le dire comme ça. En même temps, mais moins élucidée. Une des énigmes les plus obscures de l'histoire, hein, puisque donc encore aujourd'hui on ne sait pas, on n'a pas résolu cette énigme-là, même s'il y a des pistes. Donc c'est l'histoire de Caspar Hauser, et donc c'est un enfant sauvage, Caspar Hauser. Donc l'histoire. L'histoire démarre en 1828, quand un adolescent donc apparaît au milieu des rues de Nuremberg en Allemagne. Donc il porte des vêtements de paysans déchirés, hein, des guenilles, et il peut à peine parler. Donc les deux personnes qui le voient en premier, c'est donc deux ouvriers. Et il avait deux lettres sur lui, Kaspar Hauser. La première lettre était adressée au capitaine du 4e escadron de cavalerie, du régiment de cavalerie. Et la deuxième, donc, c'était une lettre sur laquelle était écrite sa date de naissance. Et voilà, pas grand-chose de plus. Donc les deux hommes qui le recueillent l'écoutent parler. Donc il a du mal à s'exprimer, hein, et il blablate un petit peu. Et tout ce qu'il arrive à dire, c'est « Moi, je veux être cavalier comme mon père ». Donc apparemment, il a appris ça par cœur et il répète comme une litanie « Je veux être cavalier comme mon père ». Donc là, il est remis entre les mains de la police. Il est remis entre les mains de la police et finalement ça devient une espèce de petite légende locale, puisque on ne sait pas d'où il sort, on ne sait absolument pas d'où il sort. Surtout, c'est un enfant sauvage, il arrive à peine à parler. Donc on le confie à un professeur qui lui apprend à lire, qui lui apprend à écrire. Et petit à petit, il y a beaucoup de gens qui viennent le visiter, qui viennent le voir. Donc il a l'air assez souriant, mais il sait pas faire grand chose au départ. Et puis il a l'aspect d'un enfant de 16 ans, mais il a plutôt l'esprit d'un enfant de 6. Et au bout d'un petit moment, il commence à réussir à communiquer à force d'être environné de personnes qui s'intéressent à lui et qui essayent donc de le faire parler. Il se met à parler et il explique donc que durant la majeure partie de sa vie, donc peut-être une douzaine d'années, il a vécu dans une cellule minuscule, une cellule très sombre, dont il ne sortait jamais, et son seul compagnon était un cheval de bois. Et donc il ne mangeait que de l'eau et du pain sec, et parfois il était drogué pour qu'on puisse le rhabiller, et il lui coupait les cheveux. Alors je sais pas si vous avez vu Old Boy. Si, un film que j'adore. Voilà, ben Old Boy s'inspire indirectement de la légende, pas de la légende, de l'histoire de Kaspar Hauser, puisque donc dans le film, le personnage principal est séquestré pendant 15 ans sans savoir pourquoi, et donc on le drogue pour pouvoir le changer, lui couper les cheveux. Donc là, c'est ce qui se passe aussi pour Kaspar Hauser. Durant les 12 premières années de sa vie, il est séquestré dans une petite cellule sombre, et donc on le drogue pour pouvoir l'habiller et le coiffer. Et il explique que la seule personne qu'il a vue durant toutes ces années, c'était un étrange homme habillé de noir, qui lui a donc appris par cœur la phrase « Je veux être cavalier comme mon père ». Et donc voilà ce qui se passe. Ensuite, il explique que un jour, il s'est évanoui et il s'est réveillé donc à proximité de Nuremberg. Donc c'est là qu'il a échoué au beau milieu de la rue et qu'il s'est fait recueillir par ses deux ouvriers. Alors le garçon commence à inspirer beaucoup de curiosité à travers l'Europe entière. Tu m'étonnes. Donc il reçoit de plus en plus de visiteurs. Alors il y en a qui pensent que c'est un canular, qu'en fait c'est un artiste qui se fait passer pour un simplet. Et puis il y en a d'autres qui commencent à trouver des connexions avec la famille du grand-duc de Baden à cause d'une ressemblance physique. Et alors il y a tout un tas de rumeurs qui commencent à émerger. On se dit qu'en fait ça aurait été un enfant subtilisé, enlevé par la comtesse de Hochberg, qui voulait voir son propre fils succéder au trône de Baden, et donc lui il aurait été enlevé et caché donc dans un cachot, hein, d'où le mot, pour que cette comtesse de Hochberg voit sa propre descendance prendre le contrôle du pays et pas celle donc du duc de Baden, qui donc se retrouvait sans descendance mâle. Alors, attends, tu veux dire qu'en fait, il y aurait eu possibilité qu'il y ait deux familles qui auraient eu des enfants possiblement à la tête du pays. Alors, et donc, une des familles aurait fait enlever l'enfant de l'autre famille. Je vais revenir là-dessus plus en détail à la fin, parce que c'est peut-être un petit peu complexe là tout de suite. Donc c'est le masque de fer. Je reviendrai, c'est vrai, on parle aussi beaucoup des similitudes entre les deux histoires avec celle du masque de fer. Mais donc, je reviendrai sur les hypothèses à la fin. Alors, ensuite, Gaspar Hauser devient donc un véritable personnage. C'est célèbre, ça devient une sorte de star de l'époque. Et un jour d'octobre 1829, un homme avec une capuche essaye de l'assassiner avec une hache, mais ne réussit qu'à le blesser au front. Et donc là, les rumeurs s'amplifient et explosent littéralement. On se dit qu'il est forcément lié donc à la famille de Baden, sinon personne n'essaierait de le tuer comme mais ça. Mais un test ADN, mais ils sont bêtes ou quoi? Eh oui, un donc, test ADN. Mais alors tu vas voir, puisque en fait on en retrouve un de test ADN. Mais bien sûr, un siècle plus tard. Et donc, voilà, sur le coup, on se dit, des gens qui sont à l'origine de ce complot essaye maintenant de tuer Kaspar Hauser, puisqu'il s'est mis à parler, et c'était peut-être pas prévu, quoi, qu'il se mette à parler comme ça, et qu'il soit aussi ouvert d'esprit, alors qu'il avait été confiné dans un cachot toutes ces années, et que c'était devenu une sorte de débile léger. Et là, il se met à parler, donc ça inquiète peut-être des gens, et on essaye de l'assassiner. Mais pourquoi ne pas le tuer dès le début, au lieu de l'enfermer, et de le relâcher? Alors, c'est très très bizarre, hein. Je rappelle, oui, donc, que c'est une énigme. Une corde au pied. Une énigme particulièrement épaisse, et donc, il y a beaucoup de mystères autour de cette affaire-là. Et c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi est-ce qu'il a été relâché dans un premier temps. Pourquoi pas tuer directement, c'est vrai aussi. Ouais. Voilà, c'est très bizarre. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans un des mots qu'il avait sur lui quand il a été recueilli, il y avait le mot de la personne qui, soi-disant, l'avait trouvé chez lui, et que donc là, il n'avait plus les moyens de l'éduquer, puisqu'il avait déjà 10 enfants, et c'est pour ça qu'il le relâchait dans la nature et qu'il le laissait à son destin. Donc manifestement, ça c'est faux, puisqu'après, Kaspar Hauser a dit qu'il avait été enfermé 12 ans dans un cachot, donc cette version est clairement fausse. Et le 14 décembre 1833, Kaspar Hauser est attiré par un personnage qui lui explique qu'il va lui donner des informations sur sa parenté, sur son histoire. Voilà un vrai charlatan. Et donc là, le Kaspar, donc il est bien évidemment attiré, il veut comprendre, et il se fait attirer dans un coin sombre et il se fait assassiner par la personne en question, qui lui plante donc un poignard dans l'estomac et dans le poumon. Et alors à ce moment-là, donc évidemment, il tombe sur le sol, foudroyé littéralement, et il survit quand même 3 jours encore avant de mourir, mais il n'a jamais identifié son attaquant. Malgré ça, la police a trouvé un mot sur les lieux du crime qui disait « Hauser sera capable de vous dire qui je suis et à quoi je ressemble, donc pour vous éviter d'avoir lui demandé, je vais vous dire qui je suis le... » Alors le mot n'était pas très net apparemment, donc il y avait des zones d'ombre. « Je suis de... » 3 points, on ne sait pas. « Sur la frontière bavaroise, mon nom est MLO. » Voilà ce qu'on a trouvé sur le mot sur les lieux du crime de Kaspar Hauser. Vraiment donc bizarre, c'était sûrement pour semer encore plus la confusion parmi les enquêteurs, puisque donc la police était sur le coup bien évidemment. Et puis il y avait aussi un personnage donc qui était sur l'enquête par rapport à la parenté possible de Hauser avec la famille de Baden. Donc il essayait de trouver des liens. Donc vraiment cette affaire était au cœur de la vie sociale De l'époque. Et il était même pas protégé, quoi. Et alors, en fait, il a été recueilli par de nombreuses familles, mais donc ça l'a pas empêché de se faire assassiner. Et on lui a ensuite érigé une statue à Ansbach, donc là où il est mort. Et sur cette statue, il est écrit Hic occultus occulto ossissus est, ce qui veut dire ici un inconnu a été tué par un inconnu. Et donc voilà. Et sur sa tombe est écrite « Ici repose Kaspar Hauser, énigme de son temps, sa naissance est inconnue et sa mort est mystérieuse ». Voilà. Et alors, aujourd'hui, parce qu'évidemment l'histoire s'est perpétuée au fil des décennies, puisqu'on a voulu savoir qui était ce Kaspar Hauser, et donc aujourd'hui encore, jusqu'à il y a pas très longtemps, en l'an 2000, des enquêtes ont été effectuées pour savoir donc s'il y avait effectivement un lien de sang avec la famille de Baden, et donc les analyses génétiques actuelles à partir des cheveux de Kaspar Hauser qui ont été réalisées à l'Institut de médecine légale de Münster auraient démontré que Kaspar donc serait effectivement un prince de la maison grand-ducale de Bad. Oh là là. Et il faut dire aussi qu'on a trouvé dans un château, mais ça c'était déjà au début du XXe siècle, on a trouvé, après sa mort bien sûr, dans un château qui était proche de la frontière bavaroise, un cachot qui correspondait exactement à la description que Hauser avait fait de son propre cachot. On y avait trouvé un cheval de bois et donc voilà, tout laisse à penser qu'il avait été donc tenu prisonnier dans ce cachot-là. Et donc pour revenir à l'explication par rapport à sa parenté, voilà l'histoire en fait. Donc Kaspar Hauser serait le fils du duc de Baden et de Stéphanie de Beauharnais, mais la comtesse de Hochberg ne voulait pas que Kaspar Hauser, donc bien évidemment, succède au trône de son père. Ouais. Elle voulait que ce soit son fils à elle, évidemment, qui lui succède. Mmh. Donc elle aurait fait enlever l'enfant, elle l'aurait fait substituer par un enfant mort, hein, l'enfant d'un paysan. Et pourquoi est-ce que la comtesse de Hochberg, en capturant cet enfant, permettait à son propre fils de se retrouver sur le trône? C'est parce que elle était la belle-mère du duc de Baden. Là, je sais que ça se complique beaucoup, excusez-moi. Et que donc... Du coup, il n'y a plus de descendance, ça voilà. Son enfant. Voilà, elle s'était remariée avec le père de ce duc, Et donc, vu que le duc en question n'avait plus de descendance mâle, eh bien, ça passait directement à la descendance mâle de la comtesse. Donc voilà, ce qui expliquerait... expliquerait même pourquoi est-ce qu'il n'a pas été assassiné, en fait. Parce que, quelque part, c'est... L'enlever, l'enfermer, etc., c'est une chose, mais quand c'est quelqu'un de la famille, le faire tuer, c'en est une autre, quoi. Donc, ça peut expliquer aussi pourquoi il n'a pas été tué et juste enfermé. En tout cas, mais après, pourquoi lui apprendre à dire je suis voilà. cavalier comme mon père, voilà, c'est très, pourquoi très le relâcher, enfin, c'est vrai que. C'est pour embrouiller, c'est tout. Donc, le mystère autour de ce personnage-là a suscité les passions. Il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits. Il y a un film notamment qui a été réalisé par Werner Herzog, l'énigme Kaspar Hauser. Et donc voilà, le mystère reste encore épais aujourd'hui, même si donc on a peut-être éclairci sa parenté et que si on sait aujourd'hui qu'il y a effectivement beaucoup de chances que ce fut donc un enfant de sang royal. Mais parce qu'en fait, quelques années avant qu'on découvre Kaspar Hauser, il y a un enfant qui est mort. En fait, l'enfant du duc est mort. Oui, l'enfant du duc et de Stéphanie de Beauharnais, donc, est mort 15 jours après sa naissance. Disons que Stéphanie de Beauharnais a appris que son enfant était mort 15 jours après. On ne lui a pas laissé voir l'enfant. Et donc, l'idée, ça serait que donc, cette comtesse aurait subtilisé le véritable enfant de Stéphanie de Beauharnais, en l'occurrence Kaspar Hauser, par un enfant mort qu'elle aurait pris à des paysans. Donc voilà. Voilà ce que dit l'histoire. Mais nous avons avec nous les paysans. Le mystère reste entier. Mon prêt d'enfant. Une des énigmes les plus épaisses de l'histoire. Et tu disais, il y a eu un film et tout. Il y a eu un film, l'énigme Kaspar Hauser et des livres. Donc voilà. Sur ce, on marque une seconde pause avant de retrouver le troisième portrait. Ensuite, donc, je ne vous le dis pas, suspense oblige. Le morceau, c'est Deltron 3030. Restez sur Rage. Le bizarre, l'inclassable, le décalé. Sur Rage. On continue cette émission placée sous le signe des personnages étranges qui ont écumé l'histoire. Donc le premier de la soirée, c'était Edgar Cayce. Le second, c'était Kaspar Hauser, donc qui est une des énigmes les plus connues en matière de personnages mystérieux. Et donc, bien évidemment, il y a beaucoup de documentation. Françoise Dolto a écrit un livre sur Kaspar Hauser. Un film a été fait. Donc, si ça vous intéresse, notamment sur Internet, vous pouvez trouver beaucoup de documentation. Hauser, c'est Hauser, et Kaspar avec un K. Donc voilà, si ça vous intéresse. Et le troisième portrait auquel donc je vais me livrer à présent, c'est celui de Rasputin. Grigori Yefimovitch Rasputin en personne. Alors tout le monde connaît ce nom, notamment grâce à Bonnet M, qui a fait hey, Rasputin. Bon. Et donc il faut quand même savoir que c'est le personnage le plus mystérieux, le plus étrange de toute l'histoire de la Russie, même devant Zangief, ça je tiens à le dire. Et donc le personnage est largement à la hauteur de sa réputation. Donc par exemple, si je vous dis Rasputin là comme ça, qu'est-ce que vous en connaissez de ce personnage là? Rasputin. Ça c'est fait. Bonnet M c'est fait. Mais sinon vous me diriez que Rasputin c'était quoi? C'était rien. C'est pas un plat méridional. C'est ratatouille. Vous connaissez sur Rasputin parce que normalement l'idée reçue autour de Rasputin c'est que c'était un moine fou, donc qui officiait à la cour du tsar Nicolas II. Mais alors voilà l'histoire totale de Rasputin. Vous allez voir que sa mort est aussi mystérieuse que sa vie et c'est vraiment très très étrange. Donc Grigori Rasputin né le 10 janvier 1869 à Pokrovskoïe, un petit village de Sibérie, c'est dur à dire. C'est déjà mystérieux ça. Et dès l'âge de 18 ans, donc il est sujet à de grandes crises mystiques, le Grigori, donc il voit des choses, il entend des choses, et puis donc il a une soif de mysticisme, de spiritualité. Et en 1887, il épouse Praskovia Dubrovina, une jeune paysanne du voisinage, tout aussi dépourvue que lui d'instruction, et le couple aura 5 enfants. Donc voilà, Rasputin naît dans un milieu paysan russe, donc ils sont très pauvres. La vie est rude, il travaille la terre, il a les mains calleuses, il est sale, et ça, il le gardera tout au long de sa vie, même quand il fréquentera donc la cour du tsar Nicolas II. Et à cette époque, Rasputin est déjà connu dans son entourage pour ses excès de débauche et d'ivrognerie, parce que donc c'est un baiseur invétéré, il est marié, mais ça n'empêche pas donc de tromper sa femme à droite et à gauche, et il quitte bientôt femme et enfant, et pour mener la vie d'ermite et de mystique errant, comme c'est la tendance à l'époque, il y a beaucoup de personnes donc qui errent sur les chemins de la Russie et qui essaient de prodiguer, de prêcher la bonne parole et leurs croyances. Et donc lui, c'est ce qu'il fait, et il survit grâce à la charité et à l'aumône. Il parcourt la Sibérie occidentale et il frappe à la porte des monastères dans lesquels il acquiert au fur et à mesure une réputation de sage et de guérisseur. Et il croise différentes sectes également qui fleurissent sur le terreau de la religion orthodoxe, puisque en Russie c'est donc l'orthodoxie qui est en place, et donc il y a beaucoup de sectes religieuses qui ont parfois quelques agissements assez particuliers, donc notamment la secte des Clistis, dont se rapproche Raspoutine. Et alors cette secte orthodoxe, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien donc elle fait souvent des orgies, par exemple, hein. Elle mélange érotisme et religion, donc je vois qu'il va dans les bons plans. Ah oui, c'est qui fait le Raspoutine. J'ai fréquenté une secte comme ça. Donc voilà, c'est donc une secte orthodoxe qui pratique la transe orgiaque régulièrement. Donc ce sont des gigantesques partouzes, et donc ils s'adonnent à la débauche. Et donc Raspoutine, à leur contact, finit par élaborer d'obscures théories sur la rédemption par le péché et les excès en tout genre. En gros, plus on baise, plus on fornique, et plus donc plus on se bourre la gueule, plus on a de chances d'être pardonné. Hein, c'est un petit peu ça l'idée. Donc en 1903, Raspoutine arrive à Saint-Pétersbourg, la capitale des tsars, et il se fait rapidement connaître du haut clergé. Il devient même un personnage en vogue dans la société aristocratique, qui est très friande d'occultisme. Et donc, comme lui, c'est un personnage un petit peu mystérieux, un petit peu mystique, qui a des trans prophétiques parfois, il commence à devenir célèbre. Et ce qu'il faut dire à propos de Raspoutine, c'est qu'il y a des photos qui circulent, hein, puisque donc ça se passe au début du siècle, il y avait déjà des photos. Et les photos de Raspoutine font très peur, parce qu'il a une vraie gueule de fou, avec des yeux injectés, des yeux perçants, qui étaient donc selon les témoins de l'époque, assez hypnotique. On pouvait pas résister à son influence et à son charisme. Et donc, en 1905, il est introduit auprès de la tsarine, Alexandra Fedorovna, par une des dames de compagnie de la tsarine, donc, qui est une disciple passionnée du mage, parce que donc, il commence à avoir des disciples et des adeptes. Ouais, à mon avis, la tsarine... Ah oui, alors vous allez voir ce qui se passe avec la tsarine. Donc, dans les années qui suivent, donc, Raspoutine ne paraît que rarement à la cour, malgré ça, mais en 1908, il fait la preuve de ses talents de guérisseur, puisque, donc, le fils de la tsarine, on appelle le fils des tsars un tsarevitch, hein, voilà, vous le saurez, donc, le tsarevitch Alexis, qui est l'unique héritier du trône, est hémophile, et donc il a beaucoup de crises d'hémophilie, hein, il perd du sang, et Raspoutine réussit à calmer ses crises, et à partir de là, il bénéficie de la confiance totale de la tsarine, et il entre dans l'intimité de la cour. Il devient intouchable, et la tsarine ne supporte pas les allégations malveillantes à son encontre, donc elle le défend, il est sous son aile, il a sauvé son fils, donc la tsarine protège Raspoutine, et le tsar Nicolas II lui-même est attiré par le personnage, qui a vraiment une aura comme ça, vraiment étonnante et intense. Et à la cour, il finit par exercer les fonctions de guide spirituel, le Raspoutine. Alors, il faut quand même rappeler qu'il a les cheveux. Baisé à la cour. Hein. Ah oui, parce que vous allez voir, c'est un truc de fou. Alors, malgré ça, il avait. Guide spirituel Raspoutine, ça a dû y aller. Malgré le fait qu'il devient le guide spirituel de la cour de Russie, il a quand même les cheveux longs et la barbe en désordre, il est dégueulasse. Il a des grandes bottes vernies, il a un vieux manteau sombre, et il inquiète autant qu'il fascine, parce que c'est vraiment un personnage étonnant, avec son regard perçant, mais il a beaucoup d'admiratrices, et c'est un honneur pour elle d'aller se faire donner, hein, donc par Raspoutine dans son appartement personnel, puisque donc il est persuadé donc il va les mener à la rédemption par le péché, donc évidemment elle s'y précipite. Mais comment ils arrivent à faire ça, ces mecs? Putain, ils sont forts. C'est ouf. Et alors, pareil à la radio, je crois. Évidemment, plus il a d'influence et plus il a de pouvoir, plus il a de détracteurs et de partisans qui se déchaînent. Ouais. Et on accuse Raspoutine de faire et de défaire des carrières entières, des carrières de généraux et même de ministres par son influence, donc auprès de la tsarine et du tsar. Et donc parmi ses admirateurs, il faut dire quand même qu'il y a notamment un professeur de théologie, un archiprêtre, un général, un commandant de la garde du palais, et même la grande duchesse Anastasia. Et parmi ses détracteurs, il y a notamment le président du conseil, Piotr Stolypine, qui déclenche une enquête et qui fait surveiller Raspoutine, donc c'est par la police secrète du tsar. Alors il y a des rapports qui accablent Raspoutine, et il commence à le savoir, hein, Raspoutine, il sent qu'on l'aime pas trop dans une certaine partie de la cour. Il sent que ça complote à son encontre, et en 1911, donc il est écarté de la cour, et il se décide à partir en direction de la Terre Sainte. Raspoutine, hein, il est comme ça, mais il revient à Saint-Pétersbourg à l'automne. Et avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, il est définitivement discrédité parce qu'on dit que c'est un espion allemand qui vient à la cour de Saint-Pétersbourg. Et au mois de septembre 1915, le tsar Nicolas II prend personnellement le commandant des troupes et il destitue le grand-duc Nicolas Nikolaïevitch. Et là, on se dit, c'est Rasputin qui l'a influencé, c'est clair et net. Alors, à partir de là, les projets d'assassinat se multiplient et on veut tuer Rasputin. Donc, dans la nuit du 16 au 17 décembre 1916, Rasputin est invité à une réception chez le prince Félix Youssoupov. Voilà. Viens de boire un coup à la maison. Alors, le prince avait bien arrangé son affaire. Ils étaient trois à avoir comploté pour la mort de Rasputin. Il y avait donc le prince Félix Youssoupov, le grand-duc Dimitri Pavlovitch et le député d'extrême droite Vladimir Plourichkevitch. Ça fait beaucoup de Vitch, mais ça se passe en Russie, donc c'est normal. Il faut le dire Vitch. Et bien vu. Et donc, le prince avait farci les plats de Rasputin de cyanure. Il en avait mis assez pour tuer 10 hommes, selon ses propres dires. Puisqu'ensuite... Histoire de pas rater le truc, quoi. Il a écrit une confession de cette affaire-là, donc il disait qu'il avait mis assez de cyanure dans la bouffe de Rasputin pour tuer 10 hommes. Mais, prenez donc ce plat, mais il sera meilleur pour vous. Le mystérieux mage donc avait une résistance assez hallucinante, puisque donc on dirait du cyanure, j'adore ça. C'est un petit peu. J'en mange tous les jours. Si vous avez vu donc les Astérix et Cléopâtre, hein, c'est un petit peu un trip à la Obélix, c'est-à-dire qu'il mange les mets farcis de poison, mais pour lui, il a juste l'impression que c'est un peu épicé, ça lui fait pas grand chose, donc voilà, il reste nickel. J'ai douleur de tomate, là. Et donc quand le prince voit ça, il se dit bon, là il faut faire quelque chose, donc il sort de la pièce un petit moment, il va parler avec les deux autres comploteurs en disant bah, il est pas mort, là, qu'est-ce qu'on fait ? Il revient dans la pièce, il prend son gun et il lui tire dans la poitrine directement au Rasputin. On peut se demander pourquoi il a pas commencé directement par là. Et Rasputin, oh non, une aiguille. Alors attention, Rasputin prend la balle, il s'effondre au sol. Mais il se redresse et il commence à ramper pour sortir du bâtiment. Et à ce moment-là, donc le début, un costaud, quand même. C'était vraiment une force de la nature. Et en plus, donc il y a une aura de surnaturel autour de ça, parce qu'il a beau être costaud, faut quand même l'encaisser la balle. Donc il se lève quand même, il réussit à sortir. Et là, le député Pourikevitch, qui porte bien son nom, lui tire donc 3 balles dans le buffet. Et il vide son chargeur. Hein. Et là, par contre, bon, il reste sur le carreau. Rasputin. Mais alors, on fait moins le malin. Hein, avec l'aide des autres membres du complot, donc ils se saisissent du corps sans vie du mage. Il était mort. Du mage diabolique. Ah voilà, il était mort. Mais vous allez voir, l'histoire n'est pas finie. Et ils le jettent dans la Neva, donc qui était un fleuve glacé, un fleuve gelé. Mais j'ai pas compris. Il était à table. Il a voulu aller se baigner. On l'a pas revu. Alors, il est retrouvé quelques jours plus tard. Et donc il est inhumé suivant la volonté de la tsarine, donc qui était toujours une fervente admiratrice de Rasputin. Amoureuse, et c'est bon. Voilà, de se faire donner. Mais la légende qui entoure Rasputin enfle après son décès, puisque l'autopsie révèle que celui-ci, il n'est pas mort du poison ni des balles, mais il est mort noyé. C'est-à-dire que quand ils l'ont jeté dans la Neva, il était encore vivant. Ils l'ont jeté dans l'eau encore vivant. Donc, Non, mais j'ai pas envie de me baigner, hein. Il aurait donc résisté. Laissez-moi tranquille. Il aurait donc résisté aux balles et au poison. Et alors, le mythe, donc, de mais cette. Voilà. Donc il savait peut-être pas nager, c'était Balou. Alors c'était un bon danseur. Le mythe de cette résistance surnaturelle prend une ampleur encore supérieure à partir de 1917, puisque après la révolution de février, le cadavre de Rasputin est exhumé. Et il est vivant. Et en fait, il n'est plus. Je peux avoir un café, s'il vous plaît, là. Ça fait un moment que je suis enfermé. Mais en fait, non, il n'est plus dans le cercueil. Il est sorti du cercueil. Il a creusé un trou. Il est exhumé, il est incinéré, mais on raconte que son corps refusa de brûler pendant de longs moments. Voilà. Et alors, la petite anecdote. Tu m'étonnes, il était mouillé encore. Voilà. La petite anecdote triviale à propos de Rasputin. Donc, c'est que, on aurait prélevé son pénis, hein. Et que donc, aujourd'hui, au musée de l'érotisme de Saint-Pétersbourg. On s'est encore donné avec. On peut donc observer son pénis momifié d'une longueur de 30 cm au repos. Eh ben voilà. Donc, ça alimente encore L'intérêt d'être tsarine. Ça alimente encore la légende de bête sexuelle. Non, je n'aimerais pas incinérer ça, s'il vous plaît. Je le garde. Voilà, parce que c'est un obsédé sexuel, donc il se tapait toute la cour à peu près, et donc là c'est vrai que tout à coup on comprend pourquoi. Et donc voilà, ainsi vécu Rasputin, et ainsi disparu Rasputin. Et pourquoi Boney M a fait une chanson sur Rasputin? Alors, mais d'ailleurs, il y a Sex Machine dans... C'est à cause du 30 cm. Ça on l'a su après, mais sinon c'était à propos de sa réputation de baiser invétéré, je crois. Et donc, ah, il voilà. Passe pas à côté, les Boney M. Ouais, ils ont fait, oh, Rasputin on kiffe. Nous. Voilà. Rasputin, Sex Machine. Mais voilà, Rasputin, donc, qui est, si vous lisez Corto Maltese, la BD, c'est aussi un des personnages de la BD Corto Maltese, qui est directement inspiré du moine diabolique. Et vous pouvez le retrouver aussi pour les amateurs de jeux vidéo dans le jeu World Heroes, hein, sur la Neo Geo. Ils ont fait un personnage à partir du moine Rasputin. Et donc voilà, c'est un personnage qui reste encore bien présent aujourd'hui. Et donc, je ne saurais que trop vous conseiller d'aller jeter un œil sur le net aux photos de Rasputin. Vous tapez Rasputin et vous allez sur Google Images, vous verrez le visage de ce personnage-là, même un siècle après sa mort, reste particulièrement impressionnant et effrayant. Et on comprend qu'il ait pu avoir une telle influence avec ses yeux-là et avec ce charisme, cette réputation. Donc, et on voit aussi donc le pénis en question. Tapez dick après. Dans le formol, vous tapez Rasputin là, par contre, en anglais, et vous verrez la photo en question. Mais je le mettrai de toute manière sur le forum de rage.fr. Ouh, ouais. Tu vas faire un gif, on le verra bouger. Voilà. C'était donc le dernier portrait de la soirée pour ces personnages mystérieux. Thomas va prendre le relais pour les infos insolites juste après ce morceau. Restez avec nous sur Rage. Exocet. Le bizarre. Rasputin. La salle. Le décalé. Sur Rage. Nous voici donc arrivés à la dernière partie de cet Exocet spécial personnage mystérieux. Donc le dernier, c'était Rasputin. Hein, et je ne saurais que trop vous conseiller d'aller jeter un œil encore une fois. Nous, on l'a fait. Sur on l'a été voir. Et c'est impressionnant. Jeter un œil sur Internet, ne serait-ce que pour 30 centimètres. Ah, le coquin. Je veux dire, il y en a qui vont faire profil bas. Je pense notamment à Rocco Siffredi. Hein, ah, mais là, c'est clair que ça a le calme. Qui voit même sa légende écrasée. Il a des bollocks de la taille d'une tête, quoi, quasiment. Bon, vraiment. En fait, quand on voit l'élément en question conservé dans le formol, on dirait une trompe d'éléphanto. Oui, pour être clair, on dirait que Dumbo est passé par là. Donc j'ai voilà, cru que j'avais baissé mon pantalon. Mais même, sans forcément parler de ça, il a aussi un visage de fou furieux. Ah, et donc voilà. Il fait peur. Il fait très peur. Rasputin. Alors, maintenant, il y a une photo particulièrement rigolote où il est entouré de femmes. Voilà, qu'il a dû toutes se taper, très nettement. À peu près, ouais. Et quand on voit sa face, c'est vrai qu'on peut se demander comment. Mais comment il fallait du charisme, en tout cas. Oui, on passe aux infos bizarres. On va attaquer avec une première, une petite news, je dirais mignonnette. Puisque c'est un grand classique, hein, ça arrivait déjà maintenant plusieurs fois dans l'histoire, mais dernièrement, c'est-à-dire il y a 3 ou 4 jours, une petite vieille qui habite dans le Loir a reçu une carte postale qui datait d'il y a 10 ans et qui avait été envoyée par des amis à elle qui étaient en voyage aux États-Unis. Et donc elle a reçu il y a là une semaine ou deux. Alors c'est un grand classique, hein, ça arrive régulièrement, mais là c'est arrivé il y a quelques jours et je me suis dit allez on va la ressortir non puisque c'est une nouvelle histoire de ce type là, mais ouais. Donc comme quoi ça arrive de temps en temps. Puisque c'est vrai qu'on en parle assez fréquemment quand même de ces lettres qui se perdent, qui se coincent derrière une armoire ou je ne sais quoi, et qu'un jour un postier en déménageant retrouve et fait ah tiens on va la remettre dans le circuit. Bouger avec la poste. Hein, alors comme l'a dit la petite vieille, heureusement il s'agissait pas d'un chèque à encaisser. Ah c'est clair. Parce que là ça fait mal. Mais c'est vrai que dans ce genre d'affaires là, 10 ans c'est relativement léger puisqu'on a eu des affaires avec des lettres bien 40 ans après, 60 ans après, les trucs de barge. Et donc voilà. Voilà, les lettres qui se perdent, comme quoi ça arrive. Alors la news d'après est bien moins rigolote, surtout pour les femmes, puisque sur l'île de Java, il est désormais interdit de s'embrasser plus de 5 minutes. Et il est interdit aux femmes de sortir après 19h. Pourquoi ? Tout simplement pour lutter contre la prostitution. Donc ils estiment que toutes les femmes qui... Alors on a le droit de s'embrasser plus de 5 minutes si on est marié, hein, mais il faut avoir les papiers sur soi en disant voilà, on est marié. C'est ma femme, c'est tranquille, on avait le droit de s'embrasser plus de 5 minutes. Tout ça pour lutter contre la prostitution. Donc effectivement, c'est quand même assez répressif, j'ai envie de dire. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je suis pas du tout persuadé de l'efficacité de la chose, même loin de là, puisque c'est pas... Enfin, en général, ça freine pas les prostituées. Mais embrasser en continu pendant 5 minutes ? Non, je pense que c'est plus de toute façon, c'est être avec une femme plus de 5 minutes et flirter avec elle. Ah d'accord. Voilà, quoi. Parce qu'embrasser 5 minutes. Grosso modo, t'as pas le droit. T'arrêter quand même. Là. Grosso modo, ce que veut dire la loi, c'est que t'as pas le droit de traîner avec une femme, lui faire des petits bisous ou quoi, si t'es pas marié avec elle. Enfin, en tout cas, elle n'a pas le droit parce que c'est elle qui se fait embarquer. Hein. Le mec, lui, il est tranquille, il peut faire ce qu'il veut. Voilà encore donc là sur l'île de Java, c'est plus de 5 minutes. Mais rappelons encore qu'il y a certains pays dans lesquels on n'a même pas le droit de s'embrasser en public tout court, hein, oui, de se faire un bisou. C'est, donc, voilà. C'est net. Faut dire qu'on est des privilégiés chez nous. Mmh. Comme quoi, oui, c'est clair. Chez nous, on a le droit à parler à air. Ah oui. Je vais vous parler de Nokia maintenant, donc la fameuse marque de téléphone cellulaire. Alors l'info qui ressort là dans l'actualité, c'est que la ville de Nokia, donc où est la direction générale de Nokia Monde, parce que c'est une ville qui existe, hein, je savais pas ça, tiens. Qui est finlandaise, donc cette ville-là va supprimer tout bonnement et simplement les lignes fixes. Ils n'auront plus lignes fixes puisque forcément, vu l'équipement de pitié qu'ils ont sur place, ils ont passé un accord béton avec la ville, etc. Donc tout va être au prix d'appels locaux. Ouais. Mais c'est pas vraiment ça qui m'a intéressé dans la news. C'est l'histoire de Nokia qui en est ressortie. Et figurez-vous que Nokia, ça a commencé en 1865. C'est une entreprise qui a démarré en 1865. Et au départ, c'était une entreprise qui s'occupait d'abattre des arbres et de fabriquer du papier. Oh. Par la suite, ils ont fusionné avec un fabricant de câbles et de bottes en caoutchouc. Ça, c'était en 1967. Et c'est à partir de 1980 qu'ils ont commencé à s'intéresser à l'électronique pour devenir 10 ans après le plus grand fabricant de téléphones portables du monde. Donc j'ai trouvé l'histoire assez étonnante. Enfin, partir comme ça d'une petite usine locale de papeterie pour devenir le géant mondial de la téléphonie mobile, j'ai trouvé ça assez surprenant. Et c'est vrai que pour continuer dans le registre disque dur, on peut aussi dire que Nintendo à ses débuts faisait des cartes à jouer. C'était pour l'empereur. Voilà. C'était fabricant de cartes à jouer pour l'empereur. C'est fou. Ouais, mais comme quoi les plus petites entreprises peuvent devenir des méga structures mondiales. Ça m'a fait halluciner. Là maintenant, ça va être un petit peu moins rigolo puisqu'on va parler d'une institutrice russe qui scotchait ses élèves. Donc elle a été condamnée pour avoir scotché ses élèves. Alors pourquoi est-ce qu'elle faisait ça? En fait, c'était pour les forcer à faire la sieste. Et donc en fait, elle leur scotchait les yeux et la bouche pour pas qu'ils puissent ouvrir les yeux et donc s'endormir et pour pas qu'ils fassent de bruit en pleurant et en réveillant les autres. Si jamais cette méthode-là marchait pas, parfois elle leur ligotait les mains carrément pour éviter qu'ils bougent, etc., qu'ils perturbent le reste de la classe. Et elle faisait même parfois encore pire si jamais un enfant continuait à être un petit peu trop récalcitrant face à ces méthodes. Elle le mettait dans les toilettes pieds nus, à même le carrelage froid, pendant toute la durée de la sieste. Alors, il faut savoir aussi que forcément, pour pas se faire dénoncer, elle avait un moyen répressif très sympa, cette jeune institutrice, puisque si jamais l'enfant se plaignait aux parents, hein, ce qui pouvait quand même arriver en fin de journée en général, bon, la maîtresse m'a scotché les yeux, je pense que ça passe mal auprès des parents d'élèves. Mais pourquoi t'as les yeux tout rouges ? Eh bien, elle avait une punition toute particulière, une spéciale dédicace. En fait, le lendemain, elle conviait tous les camarades de la balance, entre guillemets, de l'enfant qui avait dénoncé la maîtresse. Elle les conviait tout simplement à fracasser le petit à tour de rôle. Chacun devait lui mettre un bon petit coup pour le calmer. Alors il faut savoir quand même que suite à ça, dans la classe, il y a une demi-douzaine d'enfants qui ont fini et qui sont encore suivis psychologiquement, hein, puisque ça se passe en maternelle quand même, c'est ce horrible. Truc-là. Donc les enfants doivent avoir entre 3 et... Non, maternelle c'est plus vieux, c'est 6 ans. Enfin, ouais. Même de toute façon... De 3 à 6, ouais. De toute façon, c'est des très jeunes enfants et c'est clair qu'il y a dû avoir traumatisme assez lourd, quoi. Personnage bien, bien dégueulasse. Pas pour rien que ça se passe dans le pays de Rasputin. Ouais, c'est clair. Histoire. Une descendante, ça. Ah oui, c'est sûr. Ouais, en tout cas, personnage très peu sympathique, hein, qui a bien fait du mal autour d'elle. Moins en tout cas, puisque là on va partir sur des histoires de crocodiles. Deux histoires de crocodiles. La première, alors on connaît tous l'histoire du crocodile qu'il y aurait dans les égouts de New York, hein, donc ça c'est la légende urbaine. Mais il y en a un qui existe dans un lac de Los Angeles. Et la personne en fait qui l'a ramené là a été condamnée à 45 heures de TIG, enfin de travaux d'intérêt généraux, et 3 ans de mise à l'épreuve. Donc en fait, il avait tout simplement ramené un crocodile chez lui. Comme tous les gens qui ramènent des animaux exotiques, c'est au début, c'est mignon, c'est cool, machin. Et une fois que le truc il fait 2m12, on dit « Ah tiens, qu'est-ce que je vais en faire dans mon salon ?» et donc du coup, il a relâché dans un lac de Los Angeles. Suite au relâchage du crocodile. Mais il a été domestiqué. L'auteur a reconnu son geste parce qu'il a commencé à avoir, entre guillemets, des remords parce que ça représentait quand même un danger. Et donc le crocodile vit toujours dans le lac, hein. Ça fait maintenant 6 mois qu'il a été relâché. Et à l'heure actuelle, il est assez grand maintenant pour pouvoir choper un homme adulte, l'entraîner au fond et le bouffer. Donc la municipalité a tout simplement interdit de la baignade dans le lac, puisqu'avant c'était un lac où... Mais pourquoi ils l'ont pas enlevé directement? Alors c'est ce que je me demande, c'est pourquoi est-ce que le crocodile est toujours présent sur place? À mon avis, je pense qu'il doit y avoir des problèmes déjà de protection des animaux, parce qu'il va falloir qu'il le chope sans lui faire de mal pour le ramener soit dans un zoo, soit dans une réserve, je sais pas. À mon avis, ils sont obligés de le garder. Faut lui envoyer une seringue là, je l'ai vu dans Woody Woodpecker. Ouais, mais pour arrêter les crocodiles, ils envoient des seringues qui endorment. Ouais, mais le crocodile, justement, la peau, à mon avis, pour le pécho à la seringue, c'est de la bonne seringue qu'il faut déjà. Ouais, ça marche. En tout cas, je pense que c'est des problèmes administratifs qui font qu'il est effectivement toujours dans le lac, parce que ça représente quand même un certain danger, c'est clair, de laisser. N'est pas crocodile Dundee qui veut. Hein. C'est net. Voilà. Et donc là, s'il est capable de bouffer un homme adulte, je vous laisse imaginer une massacre sur un banc d'enfants qui baignait joyeusement. Qui se baigne. Si on faisait du canoë. Et on va continuer avec les crocodiles. Alors cette fois-ci, ça se passe en Angleterre, dans un zoo, où un jeune homme a pris de la prison avec sursis pour avoir jeté un lapin à un crocodile. Ah, vous allez comprendre. Vous allez comprendre toute l'histoire. Non, mais en plus, c'est vraiment. Enfin, moi, limite, ça me fait rigoler parce que. Mais... Alors, vous allez voir le truc. Ça aurait été moins rigolo fait, si ce lapin n'avait pas été son petit frère. C'est un groupe qui était déguisé. En fait, c'est un groupe de jeunes donc qui visitaient un zoo. Ils arrivent devant la fosse aux crocodiles, un petit peu éméchés, apparemment, hein, un peu festif. Et il y a un des jeunes qui fait ah, on va voir ce que ça fait de lui balancer un truc à bouffer, etc. Et en fait, dans ce zoo, il y a toute une section qui est réservée aux jeunes enfants, où en fait ils sont en contact avec les animaux et dont des lapins, ils peuvent les caresser, etc. Donc du coup, le groupe de jeunes a été dans cette partie du zoo, choper un petit lapinou par les oreilles. Oh regardez, il est tout mignon, il est tout blanc. Ils ont couru jusqu'à la fosse et ils ont balancé forcément le lapin qui a eu une espérance de vie d'environ 300e de seconde dans la fosse au crocodile. Et donc du coup, le jeune homme, enfin, il s'est fait repérer par des gens qui étaient autour de lui, qui ont fait ouais, mais enfin, qu'est-ce que t'as fait? Tiens, c'est pas normal, il y a un lapin là. Et les trois, parce qu'ils étaient trois, étaient morts de rire. Ouais. Ils étaient morts de rire. Ah ouais, mais là où ils ont moins rigolé par la suite, c'est que le jeune homme en question a dû déménager parce que le lobby de protection des animaux en Angleterre a commencé à le traquer. Il pouvait plus vivre chez lui. Bien il fait. Se faisait harceler, etc. Donc il a dû déménager. Et puis il y a forcément une plainte du zoo aussi, bah, puisqu'il a quand même tué un lapin. Il a nourri un animal. Enfin voilà, c'est à la totale. La totale. Quoi. Ne pas nourrir les crocodiles avec des lapins. C'est marqué partout. Tout le monde le sait. Et donc du coup, il s'est fait condamner par le tribunal. Il a quand même mangé du sursis pour. Je crois qu'il avait mangé du lapin, ça aurait été le con. Il a quand même mangé du sursis pour ça, donc ça a été pris très très au sérieux par la cour, puisque c'est 2 ans et demi qu'il a mangé avec sursis. Bah bien fait. Mais oui, c'est clair, bien fait. Bon, c'est vrai que je vois tout à fait le groupe de jeunes un petit peu éméchés, morts de rire. C'était tes copains. Dans le style Jackass. On peut pas s'empêcher de penser à ce lapin qui devait pas s'attendre à finir ses jours dans la gueule d'un crocodile. Mais surtout lui, c'était le petit lapinou. Mais vraiment, parce que tu vois, je vois la section pour les jeunes où ils peuvent caresser les lapins, les trucs tout mignons et tout. Il venait de se faire caresser par le petit Steve. Mignon, bah oui, Steve. En plus, il avait eu une bonne note parce que ce matin, il avait dessiné un super cheval à l'école. Donc, on lui avait scotché les yeux un peu, quoi. Pour qu'il dessine mieux. Bon, et puis, on va continuer avec une histoire de zoo, mais qui n'a plus de rapport avec les crocodiles cette fois-ci. Que de transition, quoi. Ah oui, c'est formidable. C'est de la magie quasiment. C'est la radio. Avec une histoire qui se passe aussi à Londres où les singes sont tombés accros au téléphone mobile. Ce qui a fini par poser un grave problème puisque tous les gens, surtout à notre époque, qui prennent donc des photos avec leur téléphone mobile se faisaient choper leur téléphone par les singes qui ont une vivacité énorme. Donc impossible d'aller choper le mobile après, de récupérer ni quoi que ce soit. En plus, en général, une fois qu'ils ont un peu joué avec, ils le balancent, ils le fracassent. Enfin, donc voilà, ça commence à poser des problèmes de visite puisque c'était des singes qui étaient en liberté. Et alors ils étaient accros au mobile, non pas parce qu'ils téléphonaient avec les mobiles, hein, forcément, mais plus parce que ça les faisait triper de voir le truc s'allumer dans tous les sens, les touches qui font de la musique, etc. Enfin voilà, le côté ludique de l'objet leur plaisait, et ils sont devenus vraiment accros à ce truc-là. Et donc le zoo, pour pouvoir pallier à ce problème-là et pouvoir dire aux visiteurs, maintenant vous pouvez ressortir les téléphones sans souci, a tout simplement récupéré des vieux téléphones. Ils les ont enduits d'une espèce de matière apparemment répulsive pour ces primates. Et donc du coup, au bout d'un certain temps, les singes ont fini par comprendre que sur ces appareils étranges, puisque pour eux c'est des appareils étranges, il y avait quelque chose qui était pas bon, qu'ils aimaient pas. Donc ils ont abandonné l'idée de chourer les téléphones. Ils sont retournés à leur activité classique, manger des bananes, des cacahuètes, époustiller l'autre, etc. Mais maintenant, je comprends une ancienne insolite qu'on avait dit une précédente la semaine dernière. Je crois qu'il y avait je sais pas combien de pourcents de personnes en Angleterre qui téléphonaient nus, qui avouaient ça. Mais en fait, c'était les singes. Ouais. C'était les singes en fait. Sinon, c'est tout à fait pareil que chez nous. Ils sont pas pour autant cochons en Angleterre. C'est juste que c'était le pourcentage de singes. Bien sûr. Et eux, ils sont tous nus. Qui avait été compté dans le truc. Tu vois, c'est tout clair. Rentre dans l'ordre. Bien A sûr. Plus B. Et puis, pour la dernière petite actualité, alors elle est pas sensationnelle, mais elle a le mérite de se passer à Avignon. Donc, je me suis dit, c'est là, on peut pas passer à côté. Un jeune homme, donc, a été condamné pour avoir piraté. Oui. le blog de sa petite amie. C'est au Ponté, précisément. Ça se passe au Ponté. Je ne sais pas qui est la personne, le nom de la personne qui était condamnée, ni on le nom de la victime. On l'a au téléphone. Mais de toute façon, même si je les avais, je les divulguerais pas, surtout sur une radio locale. Autant ils nous écoutent. Donc, moi, personnellement, j'ai trouvé ce geste absolument dégueulasse parce qu'il faut savoir que le jeune homme, même s'il a fait un petit peu dans les formes, a piraté donc le blog de son ex. Il y a eu une rupture avec elle qui s'est plus ou moins mal passée. Et donc, il a balancé sur le blog des photos d'elle, toutes nues, en prenant soin quand même auparavant de mettre des petits cœurs sur les parties intimes, etc. Ouais. Bon, il n'en reste pas moins que ça touche à la vie privée, donc ça se fait pas trop, mais il a quand même eu la décence de pas la mettre complètement toute nue sur Internet, parce que ça, je pense que c'est le genre d'histoire qui après, enfin, ça fait qu'on aura du mal à vivre, à continuer à Avignon normalement. Mais il y a une vraie chamaille entre les deux, il est passé au tribunal et tout, le jugement est reporté, mais c'est complètement fou, quoi. Non, non, mais bien sûr, c'est vrai que c'est léger, parce qu'il aurait pu faire plus trash que ça. Bah il aurait pu faire plus trash que ça. Et en plus, rien ne prouve, lui, sa défense, c'est de dire que le blog était en fait commun, et qu'ils avaient tous les deux le mot de passe, et que en fait, il a juste fait mettre des photos, en fait, effectivement, c'est ça, ce qui est loin d'être du piratage, puisqu'il avait le mot de passe. Là, du coup, il aurait plus aucune. J'en ai juste une petite pour terminer, donc, puisque c'était ta dernière. On reste dans le domaine de la technologie, là. On parlait des blogs. Donc, c'est une histoire qui s'est déroulée sur le monde parallèle de World of Warcraft, qui est donc le jeu en ligne le plus joué au monde. Plus de 10 millions de personnes jouent chaque jour. Ouais, 10 millions de chômeurs, parce qu'ils font que peut-être, ça. Peut-être. Donc, récemment, un joueur populaire de Warcraft est mort dans la vraie vie. Donc, des amis à lui ont décidé de lui faire des funérailles virtuelles. Donc, un des organisateurs de cet événement-là s'est connecté avec le compte de l'ami décédé et il l'a amené près d'un lac, et là ensuite le cortège pouvait venir près du personnage pour donc apporter un dernier hommage, etc. Donc sur le coup, c'est assez touchant. On se dit que oui, finalement, c'est une évolution des mœurs liée à la technologie. Même si c'est un peu étrange, qui dit nouvelle technologie dit aussi de nouvelles formes d'hommage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ce temps-là, il y a une guilde de petits enculés qui en a profité pour débarquer sur la place, tuer tout le monde, y compris le personnage du joueur mort. Et donc, la vidéo fait le tour du net, les gars sont bannis sur tous les forums, c'est devenu la honte internationale de World of Warcraft, donc ils ont quand même tué le personnage d'un homme mort, et c'est vrai que c'est drôle, mais en même temps c'est triste, parce que c'est quand même assez dégueulasse, c'est un symbole. Mais en même temps, je veux dire, il faut... Mais imagine... ce jeu, moi je le trouve... Pourtant, je joue beaucoup aux jeux vidéo, mais je le trouve très malsain. Enfin, je veux dire, quelque part, ça reste un jeu, et qu'il soit banni de tous les forums, de tous les trucs, c'est abusé. C'est une question de symbole, mais imagine qu'ils étaient même pas au courant. Si, mais justement, il était au courant. C'est ça qui les faisait rire. Mais donc, on en débattra plus tard, peut-être dans le disque dur de mercredi. Voilà, pour l'heure, Exo 7 est terminé. Juste après, vous retrouvez Lady Rock. Restez sur Age. Bonne soirée. Bye bye. Docteur Glass, voici Catherine Tramer.